Bhagavad Gita, chant 10. Les gloires divines. Le Seigneur suprême dit : De nouveau, cher Arjuna, écoute ma parole suprême. Je vais te la révéler pour ton bien, à toi qui m'écoutes avec joie. Ni les légions de Devas, ni les rishis, les grands sages, ne connaissent mon origine. Car, à tous égards, je suis la source des Devas et des rishis. Celui qui, parmi les mortels, me connaît comme étant non-né et sans commencement, comme le grand souverain des mondes, celui-ci est libre de toute illusion et délivré de tout péché. L'intellect, la sagesse, le discernement, le pardon, la vérité, la maîtrise de soi, le calme, le bonheur, la douleur, la naissance ou la mort, la peur et aussi l'absence de peur, la non-violence, l'équanimité, le contentement, l'austérité, la générosité, la renommée ou l'infamie, toutes les différentes qualités des êtres émergent de moi seul. Les sept grands sages, ainsi que les quatre anciens et les manous, dotés de pouvoir comme moi, naquirent de mon esprit. Et d'eux sont nées toutes les créatures de ce monde. Celui qui connaît véritablement les manifestations multiples de mon être, le macrocosme, et ce pouvoir yogique qui est le mien, le microcosme, s'établit inébranlable dans le yoga. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je suis la source de tout, et tout procède de moi. Comprenant cela, les sages, imprégnés d'une conscience pleine d'amour, m'adorent. Leur mental fixé entièrement sur moi, leurs sens absorbés en moi, s'éclairant mutuellement et parlant toujours de moi, ils sont satisfaits et heureux. À ces êtres fermes dans leur concentration et qui m'adorent avec dévotion, je délivre le yoga de la discrimination, Bodhi Yoga, par lequel ils viennent à moi. Par simple compassion pour eux, moi qui réside dans leur propre cœur, je détruis l'obscurité née de l'ignorance par la lumineuse lampe de la connaissance. Arjuna dit : Tu es le Brahman suprême, la demeure suprême, le purificateur suprême, l'éternel et divin Purusha, le Dieu de tous les dieux, non-né et omniprésent. Tous les sages visionnaires, les rishis, l'ont déclaré ainsi, et aussi le Devarishi Narada, et aussi Ashita, Devala et Vyasa. Et maintenant, toi-même, tu me le dis aussi. Je crois tout ce que tu m'as dit, cher Krishna. Véritablement, ô bienheureux Seigneur, ni les Devas, ni les Davanas ne connaissent ta manifestation. Vraiment, toi seul te connais par toi-même, ô Purushottama, être suprême, source de tous les êtres, Seigneur des créatures, Dieu des dieux, souverain du monde. Tu dois sans réserve me dire tes gloires divines, par lesquelles tu existes imprégnant tous ces mondes. Comment puis-je te connaître en méditant sans cesse sur toi, cher yogi? Ô Seigneur bienheureux, sous quels aspects dois-je penser à toi? Parle-moi en détail de ton pouvoir yogique et de ta gloire immanente. Car je ne suis jamais rassasié de tes paroles douces comme du nectar qui me rendent la vie. Le Seigneur suprême dit « Eh bien, je vais maintenant t'exposer mes gloires divines, immanentes, selon leur prééminence. Cher Arjuna, les détails de ma gloire sont sans fin. Je suis le soi, cher Arjuna, siégeant dans le cœur de tous les êtres. Je suis le début, le milieu et aussi la fin de toutes les créatures. Parmi les 12 Adityas, je suis Vishnu. Parmi les astres lumineux, je suis le soleil resplendissant. Je suis Marichi parmi les Marutes. Parmi les corps célestes, je suis la lune. Parmi les Védas, je suis le Samaveda. Je suis Vasava parmi les dieux. Parmi les sens, je suis le mental. Et je suis l'intelligence des êtres vivants. Et parmi les Rudras, je suis Shankara. Parmi les Yakshas et les Rakshasas, je suis le seigneur de la richesse. Parmi les Vasus, je suis Pavaka. Et parmi les montagnes, je suis le Meru. Et parmi les prêtres de la famille, cher Arjuna, sache que je suis leur chef, Brihaspati. Parmi les généraux, je suis Skanda. Parmi les étendues d'eau, je suis l'océan. Parmi les grands sages, les rishis, je suis Brigu. Parmi les mots, je suis la syllabe Om. Parmi les sacrifices, je suis le sacrifice de la répétition silencieuse, Japayajna. Et parmi les choses immobiles, je suis l'Himalaya. Parmi les arbres, je suis le figuier sacré. Parmi les sages divins, je suis Narada. Parmi les musiciens célestes, je suis Chitrarata. Et parmi les êtres parfaits, les Siddhas, je suis Muni Kapila. Sache aussi, Arjuna, que parmi les destriers, je suis Ukai Sravas, né d'Amrita. Parmi les éléphants majestueux, je suis Airavata. Et parmi les hommes, je suis le roi. Parmi les armes, je suis le foudre. Parmi les vaches, je suis Kamadhenu, la vache qui exauce tous les vœux. Je suis Kandarpa, le dieu de l'amour, cause de la procréation. Et parmi les serpents, je suis Vasuki. Je suis Ananta parmi les Nagas. Je suis Varuna parmi les divinités des eaux. Je suis Aryama parmi les ancêtres et je suis Yama parmi les divinités gouvernantes. Je suis Prahlada parmi les Daityas, les démons, et le temps parmi les mesures, le lion parmi les animaux sauvages et l'aigle au cou blanc parmi les oiseaux. Parmi les éléments purificateurs, je suis le vent. Parmi les guerriers, je suis Rama. Parmi les animaux aquatiques, je suis le requin. Et parmi les rivières, je suis le Gange. Des créations, je suis le début, le milieu et aussi la fin, cher Arjuna. Parmi les sciences, je suis la science du soi. Et je suis la logique dans toutes les argumentations. Parmi les lettres de l'alphabet, je suis la lettre A. Parmi tous les mots composés, je suis le composé binaire, Dvandva. Je suis véritablement le temps infini et inépuisable. Je suis celui qui dispense les fruits de l'action, moi dont le visage est tourné dans toutes les directions. Et je suis la mort qui dévore tout, et la prospérité chez les prospères. Parmi les qualités féminines, je suis la gloire, la prospérité, la parole, la mémoire, l'intelligence, la fermeté et le pardon. Des hymnes védiques, je suis le Brihat Saman. Des maîtres poétiques, je suis Gayatri. Des mois, je suis décembre et janvier. Des saisons, je suis le printemps, saison des fleurs. Je suis le jeu des tricheurs. Je suis la splendeur de ce qui est splendide. Je suis la victoire. Je suis la détermination de ceux qui sont déterminés. Je suis la bonté chez l'homme bon. Parmi les Vrishinis, je suis Vasudeva. Parmi les Pandavas, je suis Dhananjaya. Parmi les sages, je suis Vyasa. Et parmi les poètes, je suis Usana, le grand visionnaire. Je suis le sceptre de ceux qui gardent la loi et qui punissent. Je suis la science politique de ceux qui recherchent la victoire. Je suis le silence dans les secrets. Et je suis la connaissance des sages. Et quel que soit le germe de tous les êtres, je suis ce germe, cher Arjuna. Il n'y a rien, existence animée ou inerte, qui puisse exister sans moi. Il n'y a pas de fin à mes gloires divines. Tout ce que je t'ai décrit n'est qu'un bref exposé de mes gloires divines. Tout ce qui est glorieux, prospère ou puissant en tout être, sache que c'est une manifestation d'une partie de ma splendeur. Mais à quoi bon te donner tous ces détails, cher Arjuna? Sache que j'existe et que je ne soutiens cet univers que par une parcelle de moi-même. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 10e enseignement intitulé « Le yoga des gloires divines ».